Perte de contrôle. Mesdames et messieurs, nous abordons notre descente sur l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. La température au sol est de 16 degrés Celsius. Le vent sud-sud-est fort à modéré. Le commandant de bord et son équipage vous remercient d'avoir choisi Air Inter et vous souhaitent un agréable séjour à Nice. Veuillez vous assurer de n'avoir rien oublié dans votre compartiment à bagages ou sur votre siège. Faustine et Maxime, munis de leur seul bagage à main, suivent à la queue le flot des passagers. Avant de sortir de la travée, Maxime embrassait sa compagne et murmurait un « à bientôt » dans le creux de son oreille. Puis elle la laissait prendre les devants, attendant que plusieurs passagers les séparent. Dans la navette, ils font semblant de ne pas se connaître, et dans le terminal, Faustine se dépêche de traverser, baissant la tête, se faisant transparente pour le cas où l'épouse serait venue inopinément attendre son mari. En récupérant sa voiture quelques minutes plus tard, Faustine ressent un certain vertige. La vision de ce qui l'attend si elle continue dans cette voie s'impose soudain. Marcher à l'ombre, se cacher toujours et partout, dans les aéroports, les avions, les hôtels, les restaurants. Invariablement, elle sera la salope, la créature, la voleuse, l'autre. Interdit la lumière, les éclats de rire, le bonheur honnête, mais pas que. Oublié en vrac, les envies de maternité, les vacances en famille, la crèche de Noël, les colliers de nouilles de la fête des mères. Tout cela sachant que le moment de répudiation venu, des rides, une peau moins ferme, un ventre moins plat, des seins qui tombent, il sera trop tard. N'est-ce pas un peu cher payé quelques moments de plaisir pris à la sauvette? Pour couronner le tout, Faustine sent qu'elle est en train de s'attacher. Il est temps de se reprendre en main. Tout à ses rêveries, elle ne voit pas le camion qui lui coupe la route. Pour l'éviter, le coup de frein est brutal. Longtemps, elle tremble comme une feuille sur le bas-côté, étonnée d'être encore en vie. Il ne lui en faut pas plus pour qu'elle décide, en embrayant, d'éviter toute décision immédiate. Elle se bornera à vivre l'instant présent, dans le souvenir des heures enchantées qu'elle vient de connaître à Paris. Demain est un autre jour. Côté court, les deux semaines qui suivent sont bien occupées. Les commandes de la fête des mères étant livrées, il s'agit désormais d'honorer celle de l'été. Côté jardin, entre Faustine et son amoureux, la routine reprend. 3 ou 4 échanges de lettres, 5 à 7 impromptus, et le samedi soir au pied bleu, quand la voie est libre. Le 1er mai prochain, on fête l'Oumaï dans le vieux Cagne. Maxime propose à Faustine d'y venir. Il y aura de la musique partout. On dansera, on mangera dans la rue. Il faut absolument que Faustine voie ça. Qu'elle vienne accompagner impérativement afin de ne pas éveiller les soupçons de madame. Faustine va y réfléchir, se trouver un faux chevalier servant. Une nuit, Faustine dort profondément quand un... continue au carreau de sa chambre la réveille. Un insecte? Un oiseau? Nue, intriguée, elle allume sa lampe de chevet. Le temps d'entrevoir une forme, vite elle éteint, se recouvre de son drap. Ce n'est pas un animal, c'est José, son voisin de palier, agile comme un singe malgré sa cinquantaine bien sonnée, qui est passé de sa fenêtre à celle de la jeune femme, dont les volets sont restés exceptionnellement ouverts. Il est assis sur le large rebord. Faustine, drapée dans son drap de lit, furieuse, se rapproche. « Ça va pas la tête, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu veux ?»« Ouvre, je dois te parler. »« Jamais de la vie. Tu peux me parler d'ici, je t'entends très bien. »« Non, ouvre, j'ai quelque chose d'important à te dire. » Faustine pressent qu'elle ne doit surtout pas obtempérer. Elle réfléchit à toute allure, ce qui n'est pas facile quand on sort des bras de Morphée et qu'on a très envie d'y retourner. Enfin jaillit l'idée salvatrice. « Écoute, je veux bien t'ouvrir, Mais fais le tour et passe par la porte, c'est plus pratique. Retrouve-moi de l'autre côté. » José s'exécute. Sitôt qu'il a quitté le rebord de sa fenêtre, Faustine ferme ses volets puis rejoint sa porte d'entrée. Celle-ci est composée de deux parties. Une porte vitrée ouvrant sur le studio, puis une autre en solide persienne donnant sur l'extérieur. Elle ouvre la première, se garde bien de faire pareil avec l'autre qu'elle sait verrouiller à double tour. « Franchement, José, tu t'imaginais que j'allais coucher avec toi ?»« Ben ouais. »« Mais tu sais bien que j'ai quelqu'un dans ma vie, non ?»« Et alors ?»« Alors ?» Alors tu vas retourner gentiment chez toi, te recoucher auprès de Magali et m'oublier. Sinon je hurle et je réveille tout le quartier. Ta femme en premier. C'est clair? Pas de réponse. Bonne nuit, José. Le 1er mai, Faustine se fait accompagner par Pascal, un copain rencontré au Pied Bleu, qu'elle reconduit souvent chez lui dans les faubourgs de Cannes. Faustine étant pour l'instant la seule de son petit groupe d'amis à posséder permis et voiture, elle officie fréquemment comme taxi. Elle aime tellement conduire qu'il lui arrive d'emmener des autostoppeurs jusqu'à leur domicile. Au château, dans le vieux Cagne, il retrouve Nathalie et son pote Dominique venus à pied de leur côté. Le quatuor rejoint la rue de Maxime où des tables sont dressées pour le banquet du soir. Un orchestre sur son estrade invite à la danse. Juste en face, Maxime est assis sur les marches de sa maison, sa femme, Hélène, à ses côtés. Nathalie salue tout le monde qu'elle connaît bien. Faustine, de loin, opine du chef tout en s'accrochant à Pascal. Elles se mettent à danser, langoureusement, offrant l'image d'une relation torride. Au bout d'un moment, elle demande à Pascal d'inviter Hélène. Celui-ci s'exécute. Et pendant ce temps, Faustine, l'air de rien, s'approche de Maxime. Or, au moment où elle va l'inviter, une farandole fait irruption sur la petite place, prend la main de Nathalie, celle de Faustine, et les entraîne dans une course folle. Emportée par la foule, Faustine est bien obligée de suivre. Bien vite, elle arrive tout en haut du village, essoufflée, au bord de l'évanouissement. La voyant trébucher, le groupe la lâche. Elle tombe par terre, étourdie. Trois secouristes la récupèrent, l'éloignent de la cohue et l'étendent sur une couverture à l'ombre d'une tonnelle. Faustine tente de reprendre son souffle. Maxime, apparaissant soudain, demande au sauveteur ce qui se passe et, en attendant que ceci lui réponde, glisse à l'oreille de sa maîtresse. « Rejoins-moi à la maison suisse dans 5 minutes. » Puis il s'en va. La jeune femme, reprenant ses esprits, s'esquive. Quelques secondes plus tard, la porte familière s'ouvre sur son amant. Dehors, la musique, la foule, la frénésie, la poussière, la chaleur intense. Dedans, la fraîcheur, le calme, le silence, brisés seulement par leurs soupirs. Ils sont si bien, si heureux que le temps n'existe plus. Ce n'est que 2 heures plus tard qu'ils reviennent à la raison. « Vite, ma culotte! Vite, ma chemise! Adieu, mamie, mon tendre amour! Sors d'abord, je te suis, je refermerai derrière toi !» Quand Faustine quitte le havre de paix, elle est happée par le bruit, la chaleur, l'excitation ambiante. Sonnée, elle monte sur la place du château à la recherche de ses amis. Ils sont là-bas. Du plus loin qu'ils l'aperçoivent, ils accourent vers elle. « T'étais où, bon Dieu? On t'a cherché partout. »« Ben, occupée. » »« Non, mais t'es complètement folle. Hélène vient juste de repartir. Elle a parcouru tout le village pendant 2 heures à la recherche de Maxime. On a eu toutes les peines du monde à la calmer. Elle tenait les filles, Anaïs et Daphné, par la main. Elle pleurait toutes les trois. C'est la cata, tu te rends pas compte. Vous êtes inconscient. » « Maintenant, c'est sûr, elle se doute qu'il y a anguille sous roche. Si elle te voit, elle te tue. »« C'est bon, j'ai compris. Allez, on fout le camp. » Et le quatuor de filer vers le parking de la MJC. 1 heure plus tard, Faustine, qui ramenait chacun chez soi, se rince la tête à l'eau froide. Ce qu'elle voit dans son miroir n'est pas vraiment beau. Rien que d'imaginer cette pauvre femme en larmes traînant ses 2 gamines derrière elle à la recherche de leur père, son époux, c'est moche. C'est très, très moche. Il faut que ça cesse, et vite. Faustine, épuisée par toutes ses émotions, termine son week-end au lit, prostrée. Heureusement, à son âge, on récupère vite. Lundi matin, déjà, la vie lui semble moins sinistre. Elle se réjouit de retourner au boulot, histoire de renouer avec la vraie vie. Chez Muller et compagnie, décorateur en vannerie, les affaires sont florissantes, au point que papa accorde à sa fille une prime substantielle. Faustine peut désormais s'offrir le téléviseur de ses rêves. Est-ce le printemps? Tout le monde est joyeux en ce moment. Et le concerto pour clarinette K622 de Mozart que Stéphane prépare pour le concours d'entrée du conservatoire de Grasse ne doit pas être étranger à la chose. Le même soir, Faustine, dans l'unique magasin de radio et télévision de Grasse, choisit une bonne occasion, aidée par Jean-Claude, le patron. L'appareil étant un modèle assez lourd, il passera chez elle après la fermeture pour l'installer. Il n'est pas vraiment séduisant, constate Faustine, mais quel beau sourire !